J'ai entendu un gros boum. Enfin, tout a pété. La police. C'est de la merde. L'armée. C'est de la merde. La justice. Messieurs les jurés, c'est de la merde. La religion. C'est de la merde. La patrie. C'est de la merde. Le capital. C'est de la merde. Et à moi. Toujours de la merde. Et tiens. Bonsoir, eh ben, nous sommes le mardi 26 juin 2018 et vous écoutez le magazine Libertaire. Le magazine Libertaire est une émission politique diffusée jadis le jeudi soir de 20h40 à 22h. Bon, pour ceux et celles qui nous suivent, vous aurez remarqué que cette année ça a été un peu compliqué. Qu'à cela ne tienne, vous pouvez toujours nous retrouver ainsi que nos podcasts sur notre site maglib.noblogs.org. Et nous contacter par mail à maglib@boom.org. D'ailleurs, vous trouverez sur notre site un appel à dons pour qu'on puisse continuer à diffuser nos émissions. Ce soir, on remercie les camarades de Radio Cayenne qui nous accueillent. Et voilà, le Maglib, c'est parti. Le compteur Linkil, épisode 1. D'après une idée trouvée sur alouest.info. Il faisait plutôt gris pour un mois de juillet. Pas vraiment froid, pas vraiment pluie, mais un temps lourd et moite. Exactement un temps à vous foutre en rogne. Pourtant, une fois n'est pas coutume, Gabriel se sentait de bonne humeur tandis qu'il se dirigeait vers la vitrine bien connue du bar-restaurant au pied de port de la Sainte-Scolas. C'est donc avec un sourire naïf qu'il poussa la porte du bistrot. Et il s'emplafonna immédiatement dans un jeune homme, pas la trentaine, en polo bleu et en sueur. Il bredouilla une excuse et réalisa que son ami Gérard, saint patron des pieds de port, gueulait comme un veau. Un poulpe ravit de débarquer à ce moment-là et qui s'excuse. Il s'excuse, tu veux pas lui payer un coup non plus à ce clown ? Le clown en question n'en aurait pas voulu. Parlons clairement, il chiait dans son froc. Gabriel, interloqué, regarda le jeune homme. Il reconnut un frimeur de premier ordre et repéra sur son polo un logo qu'il n'avait jamais vu. Laisse-le partir, nom de Dieu ! Gabriel libéra le seuil et l'autre sortit sans se faire prier. Les années qui passaient ne rendaient toujours pas évidentes les manœuvres d'un corps doté de membres aussi grands. Un poulpe ! Maria, la patronne, se précipita sur Gabriel et le serra dans ses bras. Son sourire était sincère, mais assombri d'un orage que le poulpe avait rarement vu. La colère de Maria. Ils sont de pire en pire à vouloir nous vendre leur saloperie. Un démarcheur qui a embêté Gérard ? Rigole, andouille. Non, c'est Enedis. Qui ? Le sourire de Maria s'élargit devant l'expression du poulpe. Forcément, lui qui logeait à l'hôtel ou au hasard lors de ses enquêtes ne suivait pas l'actualité des changements de nom des compagnies d'électricité. Enedis, c'est le nouveau nom de RDF. Ça change tout le temps de nom, mais tout le monde dit toujours EDF. De son côté, Gérard commençait à se calmer. Ils veulent nous poser un compteur intelligent. Ah ? Gabriel commençait à cerner le problème. Lui aussi se méfiait en général des objets qui se croyaient plus intelligents que lui. Si loin des technologies qu'il se tenait, il avait commencé à comprendre que leur intelligence était surtout tournée vers la vente, c'est-à-dire l'arnaque. Le compteur, il est tellement malin qu'il enregistre toutes les données de ce que tu consommes et en plus, il peut modifier ton abonnement tout seul. Pour te faire faire des économies, qu'il me dit le morpion. Et je lui dis, parce que votre but à vous, c'est de m'aider à vous filer moins de pognon, c'est connu. Et qu'est-ce qu'il me dit ? Que je me mets en infraction si j'empêche le technicien de toucher à mon compteur. L'abruti de base. Gabriel s'assit au comptoir pour déguster les tartines et le café que Gérard lui avait servi. La fermeté de ses amis face aux gomules de l'électricité lui plaisait bien. Il décida de taquiner Gérard pour ne pas perdre les bonnes habitudes. C'est des soucis de petit propriétaire, quoi. Au regard du patron, il sut que sa colère descendait et qu'une de leurs traditionnelles joutes verbales s'annonçait. Sa bonne humeur ne s'était pas estompée. À suivre. On est toujours dans le magazine Libertaire et vous venez d'entendre un son qu'on avait fait il y a un peu plus d'un an. Qui s'appelle Linkill, c'est un feuilleton radiophonique, et c'est un feuilleton radiophonique qui a été fait à partir d'un autre feuilleton qu'on a trouvé sur alouest.info, le site alouest.info. On va en repasser, donc là c'est l'épisode 1, il y a 4 épisodes, on va en repasser un épisode tout à l'heure, après la chronique que je vais faire tout de suite, et vous pouvez retrouver les épisodes, les 4 épisodes sur notre nouveau blog, maglib.noblogs.org. Et je vais enchaîner sans trop de transition sur du coup la chronique que j'avais préparée pour ce soir qui parle de la ville de demain et notamment du quartier, enfin pas que notamment, qui parle du quartier Malakoff-Euro-Nantes. Ça fait plus de 15 ans maintenant que le grand projet ville Malakoff-Prégaucher a commencé, donc à Nantes. Des premiers ateliers de concertation à Malakoff jusqu'à la nouvelle gare de Nantes, des premiers déplacements d'une partie des classes populaires du quartier jusqu'à l'implantation des sièges sociaux de grandes entreprises du tertiaire. Ce sont 15 ans de destruction, de requalification, comme ils disent, d'augmentation de loyers, de construction de nouveaux immeubles et près de 15 ans aussi de travaux avec tout ce qui va avec. Le bruit, les espaces publics utilisés pour stocker le matos, les caillasses des tours détruites qui tombent sur les fenêtres des habitants et habitantes, les gravats arrosés tout l'été par des ouvriers pour limiter la poussière, l'été où on vit les fenêtres et les volets fermés parce que cet arrosage ne suffit pas et que la poussière entre quand même dans les maisons. Le centre de loisirs et la crèche où les plus petits ne peuvent pas dormir parce que le sol tremble pendant la démolition des tours d'à côté. 15 ans donc qui ont vu disparaître grandes et petites aires de jeu ouvertes au profit d'espaces bétonnés et de petits squares moins nombreux et clôturés. 15 ans qu'ont vu disparaître aussi le Lidl au profit d'un Intermarché, aujourd'hui fermé faute d'avoir assez de clients aisés pour le fréquenter. Et que dire du centre socioculturel, dont les locaux étaient certes vieux et trop petits, et pour lequel il y a eu une concertation. Concertation qui a débouché sur la construction d'un nouveau centre à l'endroit exact qui avait été refusé par les habitants et habitantes. À savoir au bord de la route la plus fréquentée du quartier, puisqu'il s'agit de la route qui relie l'île de Nantes à la gare SNCF, donc avec le nouveau pont Éric Tabarly. Sans oublier le collège qui a été déplacé au cœur du nouveau quartier, parce que la mixité sociale c'est super, mais faut pas déconner, je vais quand même pas envoyer mes mômes à l'école au milieu des tours des pauvres. Des exemples comme ça, il y en a encore plein. Et sans revenir en détail sur l'histoire de ce projet de rénovation urbaine, je voulais vous faire écouter la présentation qu'en a fait la Métropole dans une vidéo qui a été publiée il y a 3 mois. Et c'est une vidéo qui a été commandée donc par Nantes Métropole, par Nantes Métropole Aménagement et par la ville de Nantes. Et je vous laisse l'écouter et je ferai des petits commentaires après. Bonjour, bienvenue à Euronantes, un quartier de centre-ville connecté à l'île de Nantes par Malakoff et le pont Tabarly. Nous allons visiter ce pôle d'affaires pensé comme un quartier de vie situé entre la Cité des Congrès, les bords de Loire et la gare, qu'une passerelle va enjamber pour créer un lien direct avec le Jardin des Plantes et le centre-ville. Le choix du grand projet de ville Malakoff-Prégaucher, c'est vraiment l'ouverture de Malakoff. Un quartier avec des ressources et en même temps avec des vraies difficultés et qui était au cœur de la ville mais qui avait besoin de se révéler et de s'ouvrir vers la ville. Un projet avec une dimension économique de dynamisme et d'ambition pour la métropole très forte avec notamment la partie Euronantes et puis la dimension de la gare qui est venue accélérer, donner une dimension supplémentaire au projet mais surtout, que je viens de décrire, ce n'est pas 3 projets différents. C'est justement un seul projet qui se renforce, qui ont leur cohérence. Et donc ce quartier, c'est un quartier vraiment mixte puisqu'on y a du bureau, du logement, donc logement à la fois en accession, à la fois logement social. Et puis, bien sûr, développement d'équipements, collège, piscine, gymnase et du commerce à rez-de-chaussée. Pour venir à Euronantes, rien de plus simple. La gare SNCF est à 200 mètres de ce côté. Un chronobus passe par là tous les 4 à 5 minutes. Et ceux qui veulent privilégier les déplacements doux trouveront ici de quoi se mettre en selle. Dès 7h30, chez Barbara et Frédéric, l'activité bat déjà son plein entre les petits cafés, les salades, les sandwichs à préparer pour que tout soit fin prêt pour midi. Bonjour Barbara, c'était un pari osé. Voilà, tout à fait. Et donc, il y avait très peu de bâtiments construits. Donc, pari osé, comme vous dites, parce que c'était pas gagné. Mais bon, maintenant, ça fait 6 ans que nous sommes là. Le quartier s'est énormément développé et franchement, nous sommes très satisfaits et vraiment quartier très sympa. À quelques pas à l'est du Maï Picasso, qui est l'artère principale de Euronantes, s'est développée une nouvelle galerie commerçante. Une dizaine de commerces et de services qui ont misé sur le développement d'une vie de quartier autour de ces commerces. Il aurait quand même apparu, et ça c'est essentiel, qu'il ne pouvait pas se limiter à une intervention sur le grand ensemble et qu'il fallait l'inclure dans un territoire plus vaste. C'est absolument essentiel. C'est pas nous qui l'avons décidé ça. C'est au cœur du développement de l'agglo, de la métropole, de la communauté urbaine. Parce que on commençait aussi à parler de l'île de Nantes. Et donc nous, on a commencé, dans notre proposition, c'était de dire il faut qu'il y ait un mouvement de la gare à l'île de Nantes. Et de la gare à l'île de Nantes, on chope le grand ensemble, si je puis dire, non pas comme un sujet à part avec sa problématique, mais comme un quartier qui s'associe. C'est un quartier et qui est très intéressant et qui est, correspond pour moi à l'avenir des quartiers de ville. C'est-à-dire qu'on a à la fois du résident privé et on a aussi beaucoup, beaucoup de gens qui viennent pour travailler sur la zone. Et pour moi, c'est le quartier le mieux situé de Nantes. C'est le plus proche de la gare, il est très proche du centre-ville, il est proche de la rocade, donc près de la sortie de la ville côté Paris. Et on est aussi tout proche du Sud-Loire. Donc c'est, à mon avis, stratégiquement un quartier qui est très intéressant pour l'avenir. Reflet du dynamisme d'Euronantes, les restaurants se sont installés de part et d'autre de l'artère principale. Et de midi à 14h, c'est tout le quartier qui s'anime. L'avantage d'un restaurant, c'est que tout le monde se croise, quelle que soit sa fonction qu'on a dans la société. Vous pouvez être assis à côté du patron de la boîte qui est en face de la vôtre, et puis vous pouvez avoir un médecin à côté d'un ouvrier dans le bâtiment. Et enfin voilà, c'est un lieu où les gens se rencontrent. À tout essentiel de ce nouveau quartier, les espaces publics sont ouverts et accueillants. Des tables et des bancs offrent un cadre agréable pour le déjeuner. Ici, les espaces de circulation ou de vie combinent fonctionnalité, durabilité et sécurité. Pourquoi il faudrait être balourd, foutre des grosses tours posées comme ça? Et quand je dis que c'est des tours par opportunité, c'est qu'en fait, elles sont développées en fonction de leur voisinage. Et si elles portent ombre, elles portent ombre sur quoi? Et donc, il n'y a pas de plan d'organisation des tours. Cette parcelle est favorable à une tour de logement. Et deuxième chose, il est important d'avoir une variation des hauteurs, d'associer une tour à quelque chose qui est beaucoup plus bas, des ruptures de ton. On n'est pas prisonnier d'une espèce de volonté d'épanelage régulier, comme si nous étions dans quelque chose d'un peu haussmannien. Souvent, dans la ville ancienne, en tout cas en Europe, bon, on a des choses, ce qu'on appelle l'harmonie, si vous voulez. Je suis bien d'accord pour penser qu'il y a des paysages urbains qui ont une puissance extraordinaire parce que justement ils ont cette espèce d'homogénéité. Si vous voulez. Mais il y en a d'autres qui ont des puissances extraordinaires parce qu'il y a l'hétérogénéité. Enfants en poussette et hommes d'affaires se côtoient ici où de grandes sociétés ont choisi de s'implanter. Régus s'implique fortement dans le club Euronantes. Quelle est la vocation de ce club? Alors, la vocation de ce club, c'est de rassembler toutes les entreprises, tous les acteurs en fait du quartier, dans le but de mieux se connaître, dans le but également de faire remonter à la collectivité nos besoins de parking, de crèche, de transport en commun, la restauration, enfin tous les besoins que peuvent avoir les entreprises et les salariés en dehors de leur activité professionnelle, et également d'organiser des moments de convivialité et que le quartier devienne un endroit très convivial, les gens ont plaisir à venir travailler chaque jour. D'un côté, le pôle d'affaires offre un parc immobilier moderne, esthétique et fonctionnel. De l'autre, les résidences tournées vers l'habitat contribuent à fabriquer la ville de demain attractive, mixte et diversifiée. À Nantes, on essaye de contribuer à inventer la ville de demain. La ville de demain, c'est clairement la ville des courtes distances. C'est la ville d'une urbanité apaisée, mais c'est aussi la ville paysage. Et ça, c'est une des inflexions qu'on doit continuer à cultiver à Nantes. Considérer que la place de la nature jusqu'au cœur de la ville, jusqu'au cœur de la métropole, c'est un atout, bien sûr, pour la qualité de vie au quotidien, mais aussi parce que ça rejoint les grands enjeux d'aujourd'hui, et notamment les enjeux de transition écologique. Et puis, ensuite, j'ai du mal à retenir la formule de la ville idéale, parce que je ne sais pas bien de quelle ville idéale on parle. Est-ce que c'est une ville idéale pour celles et ceux qui la conçoivent, ou est-ce que c'est une ville idéale pour celles et ceux qui la vivent? Et à Nantes, notre défi, notre ambition, c'est de pouvoir inventer la ville de demain, de pouvoir avoir cette capacité d'innovation et de grande qualité architecturale, mais toujours, toujours, toujours d'avoir au cœur de ce qu'on fait que la ville, elle se fait d'abord pour, par et avec les habitants. Pardon, je n'ai pas dit. La vidéo, du coup, le son que vous venez d'entendre de cette vidéo, c'est une sorte de petit trésor pour qui a suivi le projet de Malakoff Prégaucher depuis le début, enfin surtout le projet Malakoff. Par exemple, quand Johanna Roland, elle dit qu'il s'agit bien de trois pôles, de Malakoff, donc le quartier populaire, de Ronantes, qui est en fait l'ancien vieux Malakoff, avec un petit pôle d'habitation, mais surtout beaucoup de friches. Enfin, en fait, à l'époque, c'était il y avait quelques habitations, et il y avait beaucoup de friches, beaucoup d'entrepôts. Et le troisième pôle, c'est la gare de Nantes. Et ça, en fait, quand la concertation elle a commencé, la mairie qui avait la charge de la coordination du projet et qui assurait la communication, elle avait annoncé que le projet concernait aussi le vieux Malakoff, mais elle avait oublié de préciser ce qu'allait être fait de ce quartier, en fait, qui, bien qu'étant pas un grand ensemble, c'était quand même un quartier populaire. Dans la tête de beaucoup, du coup, il s'agissait de, à l'époque de rénover, dans la tête des gens de Malakoff, en fait, il s'agissait juste de rénover ces logements, ce qui n'a pas du tout été fait. Et personne s'imaginait que le projet était d'implanter un quartier, personne s'imaginait que le projet c'était d'y implanter un quartier d'affaires et qu'une partie des subventions qui étaient liées à la rénovation urbaine de Malakoff allait passer dans ce quartier d'affaires. On imagine tout de suite la gueule des réunions de concertation si ça avait été annoncé à l'avance, d'un truc genre répondre aux parents « Non, non, il n'y a pas assez de pognon pour construire une nouvelle crèche pour vos mômes. Par contre, une partie des subventions, ça va partir dans la construction d'un pont pour rendre le quartier d'affaires plus accessible et plus attractif depuis le sud. » C'est sûr, ça aurait vachement moins bien marché. Un autre des trucs que je voulais relever du son que vous venez d'entendre, c'est Johanna Roland qui parle d'un quartier pour, par et avec les habitants. Et c'est assez hallucinant, en fait. Les ateliers de concertation, moi j'ai pu en faire quelques-uns, et notamment ceux où on demande aux habitants de choisir entre tel et tel bâtiment pour un équipement public, et puis la réunion d'après, le bâtiment qui a été validé par l'équipe en charge du projet, c'est pas du tout celui qui a été choisi par les habitants. Ou alors c'est pas l'endroit demandé, comme le centre socioculturel dont on parlait tout à l'heure. Des concertations aussi où les personnes sont très inquiètes des relogements et où on leur répond que c'est pas l'endroit pour en discuter. Mais c'est où en fait l'endroit? Quand t'es tout seul, isolé, que c'est la dernière proposition de relogement qu'on te fait, qu'elle est complètement pourrie mais que tu peux pas la refuser sinon t'es obligé de te démerder et tu finiras par te faire expulser. Peut-être Johanna pourrait répondre à cette question. Et un autre des trucs intéressants dans cette vidéo, c'est la question aussi de la vie dans ce nouveau quartier, parce qu'à en croire le reporter qui a été payé par Nantes Métropole Aménagement, le quartier Euronantes, c'est un quartier qui est vivant, où on trouve des commerces, des services, etc. En fait, en guise de commerce, on trouve surtout des restos et des snacks qui sont ouverts seulement en semaine, seulement le midi, seulement pour les travailleurs des bureaux autour. On trouve bien une boulangerie qui est ouverte elle aussi qu'en semaine. Et il n'y a pas un endroit pour faire quelques courses quand on habite là. Quant aux services, à part des boîtes d'intérim et des banques, en fait, on les cherche encore. Alors oui, c'est peut-être un peu vivant comme quartier, le matin, quand les travailleurs arrivent par grappe, au rythme des trains et des chronobus, le midi, quand ils vont bouffer dans les restos ou quelques espaces verts complètement rectilignes, et le soir, quand ils quittent les blocs de béton pour se rendre chez eux à la campagne. Et du coup, moi, je suis allée faire un petit tour, en fait, dans l'allée centrale de ce nouveau quartier, et j'ai demandé aux gens ce qu'ils en pensaient. J'ai croisé une habitante qui est une habitante de Malakoff, sinon j'ai croisé que des travailleurs. J'y ai passé 2 heures, j'ai sélectionné 9 minutes de son, et je vous laisse écouter. Bonjour. Bonjour, je fais un mini reportage sur le quartier. Est-ce que vous voudriez répondre à quelques questions? Je reprends à 13h. D'accord. Et j'ai pas mangé. Okay. Je suis désolée, hein. Ça va être avec vous. Vous travaillez ici? Au bout de la rue. D'accord. Ça avait marché en posant les questions? Ouais. Est-ce que vous habitez le quartier? Non. Non? Vous travaillez? Vous oui. Travaillez ici? Oui. D'accord. C'est un reportage sur l'aménagement urbain. D'accord. Et du coup, vous pensez quoi de l'aménagement de ce quartier? Ça manque de restaurants. Ça ouais. Manque de restaurants. C'est vrai, on ne sait pas où manger. Le midi? Ouais. C'est plein partout. Plein partout. Une catastrophe. Vous travaillez après, où si c'est pas là. Indiscret? Capgemini. Capgemini. Ouais. D'accord, très bien. Ça, ils font quoi à Capgemini? Et ils gèrent de l'informatique. D'accord. Informatique de clients. Ok. On réalise des logiciels et puis on gère les machines qui hébergent les logiciels. Je travaille là depuis peu de temps, donc D'accord. J'arrive, je rentre dans mon bureau, je ressors de mon bureau le soir, donc j'ai pas trop le temps d'apprécier le quartier. si ce n'est vraiment dans son environnement de travail, quoi. Mais bon, mais en tout cas, il est sympa. C'est ma première impression, voilà. D'accord, vous travaillez où, si c'est pas indiscret? Je travaille dans cet immeuble-là, dans une agence immobilière. Moi, je pense que c'est très bien ici. C'est vrai que c'est formidable. Mais je vois dans mon coin, là où j'habite, là de l'autre côté, là, Malakoff, il y a quand même beaucoup de béton maintenant. Ouais. Oh, oh là là là là. Là aussi, il y en a beaucoup, mais c'est quand même encore aéré, si l'on peut dire. Non, autrement, je trouve que le quartier est bien. Hein. On est bien desservi par les bus, là. Ah. Bonjour. Bonjour. C'est un réchauffé par exemple, là, ou non, c'est déjà chaud. Ouais, ouais, c'est plus qu'à. Au revoir. Alors c'est vrai que c'est un quartier particulier de Nantes où il y a beaucoup d'immeubles de grande hauteur. Moi j'aime bien, je trouve qu'ils ont bien cassé les lignes et les formes et je trouve que c'est plutôt réussi. Ouais. Bon, ça fait 4 ans maintenant qu'on a un service tous les midis, oui, sur l'Esplanade. Donc c'est marrant, on a pu voir le quartier complètement changé puisque les bâtiments qui sont autour n'existaient pas du tout il y a 2 ans. Voilà. C'est assez marrant comme quartier. Quand vous êtes arrivé, ça ressemblait à quoi? Ben, ça ressemblait pas du tout à ça, puisque tous les immeubles que je vois, à part l'immeuble vert qu'il y a là, n'existaient pas. Donc c'était un quartier, on sentait que c'était un quartier vraiment naissant, où il y avait quelques bâtiments de bureaux, il n'y avait aucun commerce, très peu de vie. Enfin, on voit que la vie s'est développée quand même depuis 3 ans, je dirais. La vie locale s'est bien développée, ouais. C'est notre point de vente historique pré-gaucher. Quand on a créé Ozon, donc un service de cantine destiné aux entreprises, c'est le premier vélo qu'on a mis à Nantes dans ce quartier parce qu'on voyait que c'était un quartier d'affaires qui correspondait à notre cible de clientèle, qui avait peu d'offres comparé au nombre de bureaux qu'il y avait. Ça correspondait bien, l'esplanade était adaptée à ce genre de commerce. Donc on a demandé ce point de vente sur D'accord. le domaine public, qui est le seul qu'on ait sur le domaine public, en fait. D'accord. Voilà. Et vous croisez un peu les habitants ou vous voyez que des travailleurs? Alors, on croise un petit peu d'habitants, mais c'est vrai que beaucoup de travailleurs, puisqu'on travaille vraiment sur la période du midi, en semaine. Donc, c'est vrai que c'est pas la période facile D'accord. pour croiser les habitants. On a quelques habitants, moi j'en ai quelques-uns qui viennent acheter une soupe ou un plat qui rentre le midi, mais pas beaucoup. Quand vous parlez de la vie locale, c'est plutôt la vie locale des travailleurs. Oui, effectivement, j'ai un regard plutôt lié au commerce du midi, oui, donc ouais, plutôt travailleurs, je pense. Je connais moins bien la vie des habitants. Mais c'est vrai qu'il y a des immeubles qui se montent d'habitation, ça se diversifie, ouais. Bah moi je trouve que ça va pas ensemble, il y a des incohérences esthétiques, ça pique les yeux et puis ça fait des grosses tours, c'est pas beau. Et il n'y a rien en fait, c'est un quartier qui est absolument mort même s'il y a des tours. Ah non, j'habiterai pas ici. Hein. Nous on travaille ici par exemple, on n'a rien pour manger le midi, il n'y a aucun restaurant, enfin il y en a très peu. Il n'y a même pas de boulangerie, il n'y a même pas de tabac, enfin il n'y a rien quoi, c'est no man's land. Hein. Assez impersonnel en fait, je trouve. À chaque fois que j'arrive dans cette rue, je me dis, ah, c'est une belle rue de logiciel en fait, un beau petit logiciel d'urbanisme, voilà. Donc les bonhommes qui sont dans les fenêtres, je les imagine dans les fenêtres d'ordinateur de celui qui l'a conçu, le quartier ou l'immeuble. Moi je trouve qu'il est super bien aménagé en termes de restauration, que c'est super agréable de venir bosser parce qu'on a la gare à côté, de venir travailler dans le quartier. Et donc je trouve que c'est un quartier plutôt agréable pour y travailler. Oui. Et du coup pour y vivre, vous habiteriez ici ou... Non, parce que moi j'habite à la campagne. Donc justement je suis très bien desservie, on est bien desservie parce qu'il y a le TER à côté. En revanche pour y vivre, non. Je voudrais pas y vivre. Qu'est-ce qui vous dérange? Parce que j'ai des enfants et qu'il y a beaucoup d'appartements et que je préfère vivre en maison. Après c'est mon choix personnel. Mais pour y travailler c'est très agréable. D'accord. Vous travaillez dans quel domaine, si je dans la banque. D'accord. Oui. Bah justement, je visitais là, je trouve aéré. Je le trouve plutôt bien animé. Voilà. Bon, je travaille dans une métropole, moi, donc j'ai peut-être un avis un peu orienté, mais non, enfin, je le trouve propre aussi, là, bon. Et puis, bien adapté à la ville de demain. C'est-à-dire que c'est une ville plus dense. Mais justement, j'ai vu qu'il avait quand même été maintenu des maisons, là. Donc c'est bien, c'est une harmonie un peu entre différents styles de bâti. Et puis, bah, beaucoup d'espace pour les piétons et les vélos. Des bus. Puisque c'est comme ça qu'on se déplacera demain dans les villes. Donc il faut plus marcher, plus prendre son vélo. Peut-être passer un peu plus de temps dans les transports collectifs. Mais bon, bah, c'est une ville de France où les transports collectifs sont très développés. Donc même si c'est jamais parfait, hein, mais voilà. Quand on se regarde, on se désole, mais quand on se compare, on se console. Hein. Donc et là, je pense même qu'on se désole pas d'ailleurs. Donc voilà. Et l'inscription de ce quartier dans la métropole, dans la dynamique de la métropole. Bah, c'est la centralité métropolitaine, hein, donc forcément, elle est plus dense. Forcément, il y a. Maintenant, il faut sans doute que la greffe prenne complètement, parce que bon, il faut que les commerces retrouvent vraiment leur place, il faut qu'il y ait une vie de quartier peut-être qui se mette en place. C'est quand même un quartier neuf, hein, donc ça, c'est ça qui est important aussi. Hein. Bon, faut que la vie, les rapports humains trouvent leur place. Bon, bah, les associations, elles sont là aussi pour ça, il n'y a pas que les municipalités. Hein, mais... Je peux vous demander, vous faites quoi, ce que vous faites à notre métropole ? Moi, je suis directeur d'un pôle de proximité. D'accord. Ça consiste en quoi ? Le pôle de proximité, c'est une organisation qui a été mise en place en 2000 à Nantes Métropole, qui était unique en France. C'est donc une organisation déconcentrée, de moyens, pour être plus près du citoyen, justement. D'accord. Ça a été voulu par Jean-Marc Ayrault et les maires en 2000-2001, pour que, même si on construisait une grande métropole, que le citoyen ne mette pas 3 mois à avoir une réponse à une question. On a juste oublié que les gens vivaient ici. Et en fait, on s'aperçoit, nous qui sommes de bureau, on le voit, il y a des restaurants qui sont souvent fermés le week-end d'ailleurs. Et en fait, les gens, je me dis, mais comment les habitants d'ici font pour vivre dans ce quartier? Parce qu'il n'y a pas d'épicerie, il n'y a pas de boulangerie, il n'y a pas de commerce. Donc en fait, on fait des quartiers nouveaux. Alors, il y a des banques. Il y a des restaurants qui ferment le week-end, mais il n'y a pas de commerce. Et en fait, je pense que, enfin, c'est mon avis, il faudrait plus insérer les commerces dans l'urbanisme global quand on fait des projets comme ça. Et même culturellement, je me dis, il n'y a pas un cinéma. Il peut y avoir un cinéma, une bibliothèque, je ne sais pas, un théâtre, des choses comme ça. Et là, ça manque. Enfin, je trouve que c'est... Bon, architecturalement, je prononce pas, mais je trouve que ça manque d'âme, en fait, de quartier, quoi. Le quartier, c'est quoi? C'est les gens où se retrouvent aussi, hein. Donc il faut aussi qu'il y ait un espace de vie, quoi. Un lieu de vie, quoi. Donc voilà, on vient d'entendre ce que pensaient les gens de ce quartier. Donc ce que pensaient les gens qui... je rappelle, hein, comme on n'a pas croisé, on a croisé qu'une personne qui habitait le coin, les autres personnes elles travaillaient, donc c'est ce que pensent les travailleurs de ce quartier. Peut-être on fait une petite pause musicale. Moi, peut-être je reviendrai dans une autre émission sur cette vidéo quand même. Il y avait plein d'autres trucs, il y avait plein d'autres trucs à souligner, notamment comme dans l'extrait de vidéo qu'on a écouté tout à l'heure. Sur le projet urbain, quand il parle de casser les lignes, que c'est un projet, enfin même non, c'est même dans le son qu'on vient d'écouter. En fait, il parle de casser les lignes, mais c'est que le projet urbain, il a pas été réfléchi pour avoir des bâtiments qui vont ensemble et pour avoir une certaine cohérence. Ou après, bon, on peut en penser plein de choses de comment c'est réfléchi habituellement, mais c'est surtout que là, ça a été réfléchi comme une vitrine en fait de l'urbanisme, une vitrine pour les promoteurs. et une vitrine pour les constructeurs, quoi. Du coup, il y a Vinci qui a fait son bâtiment, Bouygues qui a fait son bâtiment, Giboire qui fait son bâtiment. Enfin, tous les gros, en fait, ils font leur bâtiment. C'est une sorte de vitrine et ça, après, ça leur sert à vendre d'autres bâtiments ailleurs. Du coup, c'est pas tellement qu'ils ont réfléchi à casser les lignes et à faire un truc, je sais pas, esthétique ou quoi. Celles et ceux qui habitent Nantes ou qui font des tours à Nantes de temps en temps, ou si vous avez l'occasion de venir, allez voir ce quartier. C'est derrière la gare sud. C'est quand même assez hallucinant de... c'est assez hallucinant, quoi. C'est bloc de béton sur bloc de béton. Enfin, c'est du verre et du béton. Du verre VE2RE. Et il y a un petit peu de verre VERT, mais dans des carrés complètement rectilignes. Quelques trucs qui poussent entre les pavés parce que c'est la nouvelle mode. Du coup, on désherbe plus. Et Johanna Roland dit de ce quartier, enfin, illustre sa phrase de dire Nantes, c'est pas des jardins dans la ville, mais c'est une ville dans un jardin. Quand elle dit ça, elle illustre ça avec ce quartier. Il faut vraiment aller voir à quoi ça ressemble pour voir ce que Johanna Roland et la métropole imaginent comme jardin, quoi. Enfin, moi, en tout cas, si j'avais à imaginer un jardin, moi, je l'imaginerais autrement que trois pauvres bouts d'herbe au milieu de blocs de béton et de pavés. Faire éclater cette pile et sauter à terre.

Eh ben, c'est l'heure de la revue de presse Footrack. Alors, je me creusais la tête à grands coups de pioche pour trouver de quoi j'allais vous causer ce soir, et j'ai de nouveau fait le constat que, selon l'expression chère à Nadine, que je vivais dans un monde qui pue, et que la France, en la matière, participait largement à l'effort mondial d'ensevelissement nauséabond qui ne cesse de nous asphyxier toujours un petit peu plus. Alors, je me suis dit qu'une nouvelle petite revue de presse sauce Footrack, sorte de pot pourri mélangeant toutes les essences les plus récentes et les plus dégueulasses du genre humain, ne nous ferait pas de mal. Histoire de se faire un shoot bien puissant pour nous rappeler que tout ça, ce n'est pas normal, qu'on ne devrait jamais s'y habituer, mais je vous rassure, l'effet est temporaire. Nous recouvrerons nos facultés d'oubli dès demain matin, si tout se passe mal. Alors pour commencer, je vais pas vous faire dans l'originalité, puisque le sujet a été pas mal traité dans les médias mainstream durant la semaine passée. Et oui, ça arrive quand même parfois lorsqu'une info est plus répugnante encore qu'à l'accoutumée. De toute façon, il y a deux écoles en la matière. Pour qu'on médiatise massivement des sujets que d'habitude on préfère planquer sous le tapis du je m'en foutisme. Soit c'est grâce à la loi des séries. Exemple. Un incendie dans un immeuble insalubre géré par des marchands de sommeil. D'accord. Mais au bout de deux, en quelques jours, alors là, c'est le branle-bas de combat. Des armées de journalistes dépêchés, des préfets se déplaçant en personne, on évoque même une loi au Parlement pour réglementer tout ça. En croisant quand même les doigts pour qu'un troisième incendie ne se déclare pas, sans quoi on serait obligé de la faire pour de vrai cette loi. Alors attention quand même, parce qu'il faut savoir que la loi des séries a ses limites. Les personnes agressées par les flics, par exemple, il y en a des dizaines chaque semaine, mais là, on s'en fout malgré tout. Qu'elles meurent assassinées, ou qu'elles survivent avec des séquelles irréversibles, dans tous les cas, ça ne compte pas. Ou plutôt, ça ne compte plus. On appelle ça l'accoutumance. Quand ça n'est plus exceptionnel, ça devient la norme. Le cerveau décide que ce n'est plus digne d'émotion, on écoute béatement le ministre de l'Intérieur saluer le courage des forces de l'ordre, et on reprend des moules. La deuxième école, c'est celle à l'inverse du trop-plein en une seule fois. C'est rare. D'où son traitement encore une fois exceptionnel. Par exemple, la responsable régionale du service adoption qui assume sur une radio publique que ses services ne proposent aux couples homosexuels que les enfants dont personne ne veut, et encore, pas à chaque fois parce que bon, ce sont des homosexuels quand même. Alors là, d'accord, ça fait un bon buzz. Pourtant, tout le monde le sait, depuis des années. Les témoignages des associations des familles homoparentales sont légion. Les collègues dénoncent en interne depuis longtemps le discours de leurs responsables, mais non. Il a fallu que Pascale Lemar se tire toute seule une balle dans le pied pour qu'on daigne faire éclater au grand jour toute sa dégueulasserie. Évidemment, d'autres voix s'élèvent aujourd'hui pour dire que la situation est similaire dans bien d'autres régions. Reste à voir si la loi des séries aidera à exhumer l'infecte odeur de cette odieuse réalité, ou si l'on préférera se boucher le nez en se disant que tout finit par se régler un jour. Car malheureusement, pour tous les puants de ce monde, même si elle s'entremêle aux autres effluves pestilentiels qui encombrent notre atmosphère, se cachant pendant parfois des années, voire des décennies, ces effluves finissent parfois par se distinguer de la masse olfactive, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus les ignorer. C'est ce qui vient de se passer à propos de l'opération Turquoise, engendrant l'intervention des troupes armées françaises au Rwanda durant le printemps 1994, printemps sanglant qui vit se perpétrer le génocide de plusieurs centaines de milliers de Tutsis en quelques mois. Le témoignage récent d'un ex-militaire présent sur place à ce moment-là vient corroborer les dires d'un autre militaire, l'ex-officier Guillaume Ancel, auteur d'un livre dénonçant le rôle stratégique actif de la France dans ce génocide. Totalement à contre-courant des arcanes militaires qui, de leur côté, s'accrochent à leur version officielle, celle d'une intervention humanitaire, tentant vainement d'étouffer depuis plus de 20 ans la puanteur qui s'échappe inexorablement des charniers rwandais. Parfois, pour endiguer la prolifération d'une odeur qu'on souhaiterait neutraliser à tout prix, il faut savoir faire des concessions salvatrices. C'est ce que la population espagnole a appris à ses dépens lorsque la justice de leur pays a cru bon ajouter ses relents patriarcaux pour tenter de camoufler les sordides émanations émises par la meute. La meute, c'est ce groupe de 5 amis qui avaient l'habitude de partir faire la fête ensemble, notamment lors des festivités très alcoolisées de la Sainte-Fermine à Pampelune. C'est au cours d'une de ces fêtes, en 2016, qu'ils ont violé une jeune femme de 18 ans, elle-même sous l'emprise de l'alcool, avant de la laisser à demi nue en état de choc dans le hall d'un immeuble. Les juges espagnols ont d'abord cru bon classer l'affaire en simple vol de téléphone portable, avant de se décider à qualifier les faits d'agression sexuelle. Une minimisation du viol qui a mis le feu aux poudres. Depuis plus d'un an, des manifestations rassemblant des dizaines de milliers de personnes dans tout le pays ont lieu dans le but de dénoncer cette justice complaisante avec les violeurs. Des violeurs qui ont finalement été condamnés à 9 ans de prison, mais sans que la mention viol n'apparaisse dans le verdict, puisque c'est le caractère d'agression sexuelle qui a été retenu, renforçant méchamment la colère des manifestantes. Et pour cristalliser encore un peu plus les tensions, les cinq hommes ont finalement été relâchés, il y a quelques jours, dans l'attente d'un nouveau procès en appel. Rien que durant ces fêtes de Pamplune, ce sont chaque année plusieurs dizaines de viols qui sont commis. Et ce ne sont ici que des estimations, puisque l'on sait que toutes les victimes ne vont pas porter plainte. On comprend aisément dès lors que la justice espagnole soit rétive à ouvrir les yeux sur des crimes qu'elle préfère sciemment cacher ou maquiller. Entre prendre à bras le corps les problématiques de violence faites aux femmes et prendre le risque de gâcher la fête, elle a clairement choisi son camp. Autre motif de colère, toujours en Espagne, c'est celui de l'affaire des bébés volés durant la dictature franquiste. En matière de pourriture ayant dissimulé l'immonde parfum du scandale, là, on se situe encore dans le haut niveau. Et pourriture au pluriel, entendons-nous bien, parce que les personnes impliquées sont ici extrêmement nombreuses. Et pourtant, le silence autour de ce tabou a longtemps perduré. Tout commence à la fin des années 30, lorsque Franco décide de mettre en place une politique de rééducation des opposants, mais surtout de leur progéniture. Pour cela, il confie au chef des services psychiatriques militaires, Antonio Valero Nagueira, le soin de créer et de diriger un cabinet spécialement dédié à la recherche de gènes communistes, se livrant alors à des expérimentations sur les prisonniers de guerre. Convaincu que les militants républicains présentent en grande majorité des psychopathologies antisociales ainsi que des signes d'infériorité mentale, leurs enfants sont dès lors enlevés puis confiés à des familles proches du régime franquiste ou des orphelinats catholiques. Le but étant de nettoyer la société à la racine, normal. D'abord enlevés à leurs 3 ans, ces enfants sont dans les décennies qui suivent déclarés morts-nés à leur mère qui accouche systématiquement sous anesthésie pour ensuite être vendus à des familles considérées comme saines. Médecins, sages-femmes, religieux et religieuses, fonctionnaires sont les petites mains de ce trafic d'enfants qui par la suite va perdre de son caractère idéologique pour une raison plus éternelle encore, le pognon. Avec le temps, aux opposants politiques s'ajoutent des mineurs ou des mères célibataires. Puis, le trafic se systématise, s'internationalise. Franco est mort depuis longtemps déjà, puisque ce commerce d'enfants ne s'interrompt officiellement qu'en 1987. Et il aura fallu attendre 30 ans de plus pour que les victimes puissent commencer à espérer obtenir ne serait-ce qu'un petit bout de vérité. Une enquête visant à retracer les liens génétiques entre ces enfants volés et leurs parents a été lancée il y a quelques années. Et pour la première fois, un responsable va être jugé. Le procès d'Eduardo Vela, obstétricien de 85 ans, s'est ouvert aujourd'hui. Mais il reste beaucoup de chemin à parcourir pour que l'Espagne voie guérir ses blessures ouvertes et entretenues à la chaux vive du fascisme, puis du capitalisme, sur une période d'un demi-siècle. On estime en effet actuellement à 300 000 le nombre de ces bébés ayant été volés pour ensuite être revendus. Bon voilà, je m'arrête ici dans mes pérégrinations revues de précistique, faute de temps, ou j'avoue, faute de ne pas m'y être mis assez tôt. Mais vous conviendrez que j'aurais pu continuer longtemps à vous décrire le merveilleux monde enchanté qui nous sert de théâtre déglingué quotidien. J'espère que ce shoot puant ne vous a pas plu, qu'il vous a foutu la nausée et que l'humanité distillée dans ce billet foutraque vous rappelle bien qui est votre prochain. Alors oui, demain, je me lèverai comme d'habitude et je continuerai de vivre dans cet infect monde qui pue. Et ça ira, puisqu'il faut bien que ça aille. Il paraît. Finalement, la seule chose qui me chagrine vraiment, c'est ton absence, Nadine. Parce qu'avec toi, j'avais l'impression que ce monde puait ne serait-ce qu'un petit peu moins. Je veux mordre partout mon merde, me porte à croire qu'on me pousse à perdre. Seul m'importe le verbe et ma horde. Je suis à vie l'ennemi de l'homme. Moi qui suis mal mené, mal aimé, et qu'on a surnommé le mal incarné, qu'on a berné toutes ces années, l'indigène à qui on aime mener une chasse acharnée, mes chances de survie sont en sursis, mon avenir est proche de l'asphyxie, car le pouvoir s'est fixé, le devoir de hisser des remparts autour des peaux noires et métissées. Je suis le souci de l'ordre établi, l'ombre au tableau quand la presse publie. Et si ce bled faiblit, je deviens l'alibi. Et le blé fait faux bon, donc ça sent bon la xénophobie. On aime m'accabler, et devant sa télé, le peuple attablé, chaque soir est comblé. Je fais peur et trembler, les médias rassemblés. Je suis capable du pire, coupable d'emblée. Moi, l'ennemi de l'ordre, je me méfie quand on m'aborde. Et ne me fie qu'à ma horde. On m'a ordonné de perdre, mais j'ai choisi une mort. L'échec ou l'accord, l'ennemi de l'ordre, je me méfie quand on m'aborde et ne me méfie qu'à ma horde.

On est toujours sur le magazine Libertaire et on s'est dit qu'il fallait qu'on vous explique pourquoi on passait cette chanson, histoire que vous soyez pas trop perturbés par rapport à la playlist habituelle. En fait, on est super triste et on est super triste parce que Méga Combi, c'est bientôt fini. Et la Méga Combi, c'est une émission de radio qui passe sur Radio Canu le mercredi à 18h, de 18h à 19h. Et c'est une émission dont on a pas mal parlé ces dernières années, ces deux, trois dernières années dans le magazine Libertaire et dont on a pas mal passé d'extraits. Et bah voilà, on est triste quoi. Donc voilà. J'espère que vous nous écoutez, Méga Combi. Et du coup, on voulait vous passer le premier sketch de Méga Combi. On vous passe ça tout de suite. Excusez-moi, monsieur, dame. Monsieur, dame, excusez-moi. Vous n'aurez pas une petite idée, là, pour la première de Méga Combi, là, l'émission... S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, monsieur, vous n'avez pas une petite idée ? L'émission du lundi. Parce que là, on s'est payé un pur générique et on n'a plus rien derrière. En plus, on a deux heures à tenir. Mais s'il vous plaît, monsieur, monsieur, monsieur, madame, une petite idée, un petit concept pour une émission radio libre, une radio associative non commerciale, en plus menacée par le passage au numérique. Excusez-moi, monsieur, dame, vous voulez pas faire une chronique, là, le lundi, sur, sur Radio Canu ? Non, mais ce que vous voulez, nous, on s'en fout. Il faut juste qu'on tienne deux heures, quoi. Méga Combi, la plus punk à chien des émissions. On est toujours sur le magazine Libertaire, donc voilà, c'était ça, le premier sketch de Méga Combi. Méga Combi, tu vas nous manquer, tu vas beaucoup nous manquer, et on voulait te dire que on t'aimera toujours, quoi. If I should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And

jeûne tous les soirs. Ils vont faire un tour dans les cités, dortoir, opération. Coup de main, toujours dans le noir. Ouverture de la chasse aux jeunes et aux traînards. Et s'il n'y a pas de vrai coupable, il y a toujours les honneurs. Si tu parles de bavure, il perd de tous la mémoire. Le blanc gyrophare, le blanc gyrophare, le blanc gyrophare. Danse, danse sur la police. Danse, danse sur la police. Un conseil si tu les vois, madame, ne sois pas trop bavard. N'oublie pas le bonjour, surtout évite de dire au revoir. Tu sais qu'ils ont des bombes, les chaînes, les menottes et le pétard. Les flics entrent et normalisent bien le pinard. S'ils ont le vin joyeux, ils te mettent au placard. S'ils ont le maghrébin, tu finis sur le trottoir. Bleu blanc gyrophare, bleu blanc gyrophare, bleu blanc gyrophare. Danse, danse sur la police. Por ver ya. 2, 3, 2, 2, 3. Une ville vit aussi parce que ses murs en disent, ses affiches, ses graffitis, c'est avec gourmandise que je les dévore en bas de chez moi comme à l'inconnu. Une odeur de mort plane sur les murs nus, les murs blancs ce sont ceux et des hôpitaux et des musées, ceux des pays totalitaires et des cités aseptisées. Les murs blancs ce sont ceux d'une ville qui veut se faire voir en tenant à bout de bras son petit morceau d'histoire. Mi ricordo i muri d'Orgo solo, où les fresques se baignent sous le soleil de Sardaigne. Je me souviens des placards dans ces vieux films en noir et blanc, et de ces chats en pochoir fantasques et troublants. Les murs s'affichent, s'entichent, se fâchent, donnent leur opinion. Les murs s'affichent, jamais ne se cachent, laissent une gâche à l'information. Des rires et des râles, un journal mural n'invite au repas de quartier. Les phrases se croisent, s'embrassent, s'emballent et parlent au monde entier. Hey! Parce que ces murs en disent, ce sont ses angoisses, ses envies, ces révoltes qu'ils traduisent. Combien de rencontres faites et de portes entrouvertes pour celui qui détecte cette parole en direct, pour celui qui aiguise sa curiosité, esquive la ville qui se déguise et fuit les sentiers balisés, et gratte la croûte du tourisme et trouve une ville qui pleure, une ville qui rit, qui sue aussi et qui agite ses couleurs face à ceux qui témoignent d'une vision figée et de leur patrimoine qui pour eux n'a pas bougé. Les murs nous parlent encore et de rencontres à venir, de petits trous dans le décor, de projets et de souvenirs. Les murs s'affichent, s'entichent, se fâchent, donnent leur opinion. Les murs s'affichent, jamais ne se cachent, laissent une gâche à l'information. Des rires et des râles, un journal mural n'invite au repas de quartier. Les phrases se croisent, s'embrassent, s'emballent et parlent au monde entier. Hey, hey! Voilà ce qui se passe ici derrière la marchandise, sous les panneaux publicitaires semblables à toutes les cités qui incitent les peuples à se taire et gober l'immonde pâté avant que l'on ne devienne complètement des légumes. Les yeux fixés sur la même chaîne, la tête sur la même enclume, terrés dans des villes barbelées ou sous les caméras, la violence et l'angoisse se font leur cinéma avant que nos villes ne se chantent plus. Que leur saveur subtile tout doucement se dilue. Retrouvons le joyeux bordel des quartiers aux murs bariolés, où les cultures se mêlent dans le besoin de parler. S'affiche, s'entiche, se fâche, donne leur opinion. Les murs s'affichent, jamais ne se cachent, laissent une gâche à l'information. Des rires et des râles, un journal mural, une invite au repas de quartier. Les phrases se croisent, s'embrassent, s'emballent et parlent au monde entier. Les murs s'affichent, s'entichent, se fâchent, donne leur opinion. Les murs s'affichent, jamais ne se cachent, laissent une gâche à l'information. Des rires, des râles, un journal mural, une invite au repas de quartier. Les phrases se croisent, s'embrassent, s'emballent et parlent au monde entier.

On est toujours sur le magazine Libertaire et on remercie encore une fois Radio Cayenne de nous prêter son matériel, son studio pour qu'on puisse diffuser tant qu'on n'a pas de studio mobile. Et peut-être on en profite pour rappeler qu'il y a un appel à dons sur notre blog. Notre blog, oui, c'est maglib.boom.org. Et il y a un appel à don pour soit du matos, soit des thunes pour qu'on puisse avoir du matos, pour avoir notre propre studio mobile, pour pouvoir reprendre nos émissions hebdomadaires. Parce que là, quand même, une fois tous les trois mois, on galère, ça nous manque, on est un peu en manque de radio quand même. Juste un tout petit peu, hein. mais ouais, soutenez-nous. Et on va passer aux annonces. Ouais, carrément. Alors, la première annonce, ça va être à propos d'un rassemblement contre Parcoursup. Au 9 juin 2018, à une semaine des épreuves du bac, près de 200 000 élèves de terminale sont en attente ou n'ont reçu aucune proposition de la plateforme Parcoursup. Près de 300 000 ont reçu une réponse qui ne correspond pas à la formation de leur choix et hésitent à confirmer. Ils sont déjà près de 35 000 à avoir quitté la plateforme Parcoursup. Après des mois de communication gouvernementale sur le choix des jeunes, sur la maîtrise des parcours et sur la fin du tirage au sort, tout le monde se retrouve face à la dure réalité. Il n'y a pas de place suffisante pour accueillir chacun, chacune dans une formation post-bac correspondant au choix d'orientation. Bon, en gros, il y a un appel à rassemblement en fait devant le rectorat de Nantes. Ça se passe le mercredi 27 juin, donc demain à 14h30. Et les mots d'ordre, c'est on exige l'abrogation de la loi ORE et l'abandon du Parcoursup et le maintien du baccalauréat comme diplôme national et premier grade universitaire. Toujours demain, donc le mercredi 27, au Miroir d'eau à partir de 20h30, c'est le Emma Goldman's Day. Et j'ai réussi à le dire. Bravo. Ouais, je suis trop contente, ça fait... Ouais, j'arrive pas à le dire normalement. L'idée, c'est de se rejoindre du coup au Miroir d'eau à Nantes, avec de venir avec à boire et à manger, de la musique sur vos clés USB, avec vos carnets de chant, vos cordes vocales. Et les gens qui organisent ça se chargent d'amener une sono, et c'est de faire la fête un peu comme l'année dernière quand il y avait eu le Louise Michel's Day. C'est pour fêter l'anniversaire d'Emma Goldman. Alors je sais pas si c'est l'anniversaire de sa naissance ou de sa mort, mais en tout cas voilà, c'est de se retrouver, de faire la fête, de chanter des chansons révolutionnaires en ville dans un endroit où il y a du monde, et d'être un peu visible, et voilà. Alors là, on a un appel à un rassemblement contre la répression à Bure. Donc ça se passe encore demain, c'est à 18h et c'est à Angers, place du ralliement. Contre la répression, tous azimuts de la machine étatique à Bure, comme ailleurs, et contre le militant écologiste solidaire syndico-politique. Bizarre cette phrase. Voilà, c'est juste en bas de la place du ralliement, à l'entrée de la rue Le Neveu, à partir de 18h. Je vous lis pas tout le communiqué, mais il est disponible sur le site indymedia.org. Cette fois-ci, c'est vendredi, donc c'est le 29, c'est à 19h. Et c'est une soirée de soutien aux jeunes mineurs exilés, isolés. C'est autour du tango argentin. C'est avec, je suis désolée si j'écorche le nom, Gerardo Gérès Le Cam. Et c'est l'école associative GEM qui a été créée par des enseignants bénévoles qui aident les jeunes mineurs isolés étrangers à s'intégrer en leur permettant de maîtriser notre langue et nos usages. Soit. En première partie, vous pourrez entendre un ensemble de jazz de l'école de musique et de danse de Rosé. Puis le groupe argentin jouera au piano des tangos qui ont marqué son parcours depuis son enfance dans les banlieues de Buenos Aires. Et voilà. A priori, l'entrée est à prix libre. Et du coup, vous pouvez venir nombreux et nombreuses et passer l'info. Et au-delà de la question, enfin, eux, comment ils formulent la question de l'intégration, enfin c'est aussi, enfin c'est aider ces jeunes à choper du matériel scolaire et à, je sais pas si c'est s'intégrer le bon mot, hein, c'est plutôt du coup pour pouvoir avoir accès aux papiers et pouvoir rester ici une fois qu'ils sont une fois passé leurs 18 ans, en fait, il faut qu'ils prouvent en fait qu'ils ont fait des trucs ici quand ils étaient mineurs. Et du coup, d'être scolarisés dans cet asso, bah, ça leur permet de prouver ça, quoi. Alors, l'annonce suivante, c'est un stage riposte autodéfense pour femmes. Ça se passe le samedi 30 juin à 9h30, c'est à Nantes. L'adresse est 102 rue Saint-Jacques. Alors, riposte est une méthode d'autodéfense enseignée par des femmes pour des femmes. Elle est adaptée à toutes, quel que soit l'âge ou la condition physique. Notre but est de transmettre des moyens de se défendre, de prévenir les agressions, de prendre conscience de sa force et de reprendre ou prendre confiance en soi. Donc, en gros, suivre le cours riposte, c'est s'encourager à riposter lors des harcèlements ou d'agressions, qu'elles soient physiques, verbales, psychologiques, sexuelles, par des proches ou des inconnus. Pratiquer des techniques physiques et verbales, simples, efficaces, par le biais de discussions, de mise en situation et de jeux de rôle. Apprendre à se protéger dans une ambiance coopérative avec d'autres femmes. S'affirmer au quotidien, se sentir plus libre et plus confiante, et se concentrer sur ce que l'on peut faire et non sur ce que l'on ne peut pas faire. Du coup, voilà, ça se passe à Nantes. Et c'est quel jour déjà? C'est le samedi 30 juin à 9h30, à partir de 9h30. Toujours samedi 30 juin à 17h, à Angers cette fois, il y a un apéro projection. Prix libre, organisé par Alternative Libertaire. Comme tous les ans, depuis quelque temps déjà, Alternative Libertaire 49 vous invite à son apéro de fin d'année. L'occasion de discuter de lutte en France comme à l'international et de l'actualité du communisme libertaire dans un cadre convivial. Parce que le communisme, c'est pas toujours convivial, mais communisme libertaire, ça peut l'être un peu plus. Ça, c'est pas écrit dans le texte. C'était donc ça. C'était donc ça. Pardon, excusez-nous aux communistes qui nous écoutent. De la vraie camaraderie, en somme. Cette année, nous commencerons l'apéro par la projection du film Daniel Guérin, Combat dans le siècle. Et la présentation du film, c'est du jeune homme excentrique des années 1920 au vieillard rejoignant les étudiants parisiens en décembre 1986, Daniel Guérin s'est toujours placé à l'avant-garde des combats de libération. Il s'engage contre le système colonial dès la fin des années 1920, puis contre le fascisme. En 1936, comme en 1968, il est acteur des mouvements populaires. Le voilà enfin à la pointe des combats pour la libération des Le voilà enfin à la pointe des combats pour la libération des minorités, des Noirs américains, décolonisation des Noirs américains, de l'oncle Tom aux panthères noires, africains du Nouveau Monde, ça c'est les titres de ses bouquins. Donc des Noirs américains jusqu'aux homosexuels, et du coup les bouquins qu'il a écrits à ce sujet, c'est Shakespeare, Égide en correctionnel, Kinsey et la sexualité, et Essai sur la révolution sexuelle. Ni son combat irréconciliable contre le capitalisme, ni son rejet de l'impasse social-démocrate ne l'ont conduit à se compromettre avec le régime lénino-stalinien. Viscéralement attaché à la vérité et à l'honnêteté en politique, il a consacré sa vie et son œuvre à la recherche d'une synthèse entre marxisme et tradition libertaire. Pardon, c'est pas bien de se moquer, mais traditions libertaires, c'est un petit peu étrange. L'œuvre de Daniel Guérin trouve une place importante, bien que controversée, dans l'historiographie de la Révolution française, du fascisme et du Front populaire. La démarche essentiellement libératrice de Daniel Guérin unifiait son engagement apparemment partagé entre la question politique et celle des mœurs. De ces deux points de vue, elle reste d'actualité. Donc voilà, c'est à l'étincelle, boulevard du Doyenné à Angers. Et c'est le samedi 30 juin à 17h. Et je crois que c'est tout pour les annonces. Ah si, on avait une autre annonce qu'on nous a demandé, oui, qu'on nous a demandé de faire ce soir. C'est une annonce au sujet des exilés qui squattent, qui campent dans le square d'Aviers. celles et ceux qui campent, mais aussi celles et ceux qui sont là-bas dans la journée. Et du coup, on nous a demandé de relayer leurs besoins. Donc, leurs besoins, c'est des toiles de tente, des couvertures, des duvets, de l'eau, des gourdes pour stocker l'eau, parce que a priori il y aurait de l'eau là-bas, mais ce serait chouette d'avoir des gourdes, des récipients pour stocker de l'eau qui soient pas des bouteilles en plastique qui s'abîment vite. On nous demande aussi de dire qu'il faudrait du lait, de la bouffe, mais de la bouffe qui a pas besoin de faire cuire parce qu'il y a pas de matos pour faire de la cuisson. Voilà, des crudités, des trucs. Bon, je prends plein d'autres trucs, genre il y a moyen de faire du taboulé sans faire de cuisson, du coup de la semoule, des crudités, ça fait un repas qui cale un peu. Des trucs qui peuvent se grignoter, des trucs pour les petits-déj. Donc c'est pour les exilés du square d'Aviet. Voilà, et vous pouvez passer là-bas. Le square d'Aviet, c'est à Nantes, c'est pas très loin de Commerce, c'est entre Commerce et... Et la petite Hollande et le parking de la petite Hollande, entre Commerce et la médiathèque. Ça. Bon, et eh ben on arrive à la fin de l'émission, j'ai l'impression. Ouais. On remet un peu de musique. Ouais, on remet un peu de musique. Ah, mais non, mais on a oublié une date dans l'agenda. C'est quoi? Lundi. Ah oui, c'est vrai. Il y a Radio Cayenne. Uh-huh. Et faut qu'on leur fasse de la pub quand même, ils nous prêtent. Du matos. Carrément. Et lundi, il y a Radio Cayenne, et en fait, ils ont eu des problèmes avec le matériel. Ils ont été obligés de changer une partie de leur matériel hier, donc ils n'ont pas pu émettre. Hier, ils devaient faire, un hommage à Méga Combi. Et du coup, ils diffusent lundi prochain. Donc, lundi prochain, on sera le 2 juillet, il me semble. Ouais, le 2 juillet, c'est à partir de 19h. Et c'est la même adresse que là où vous nous écoutez, c'est radiocayenne.antirep.net. Un petit peu de musique ? Un petit peu de musique. Y a une petite pleine d'ambition qui vient tout niquer. Passe son mot clé sans mission pour que les têtes tombent comme des tourniquets. Une mélomane qui a mal au mic, la prose mêlée à l'ammoniaque. Sans tape la gloire du flic, regarde, ils sont tous fêlés à Monac. Y'a pas de monarque dans ce game, que des connards sans gêne. Je manie mon art comme je l'aime, bim, coup de tomard dans le zen. Ouais, je suis une meuf et je le revendique haut et fort. Et si tu paries sur ma chute, cousin, je te dirai que t'aurais tort. Je m'habille comme un homme beau, ça te dérange, moi ça me démange de déclencher un combo de baffe dans ta face étrange. Non, je suis pas mannequin, mais master cérémonie, venu dépoussiérer le rap car les autres rappeurs sont des momies. Les nouveaux parts de technique, multi-assonance, éternel recommencement, débat inutile et assommant. Mais y du sens, bordel, aligner des mots c'est pas tout. C'est usant et mortel de les voir s'agiter un peu partout. Ça fait du bien de le dire comme Larry, car ton nom genre narime. Les charognards, notre or rapide, notre art et ça m'arrive de gratter tard des lignes, parce que je me fous dans le rap et pas dans la plupart des livres. Ça fait du bien de le dire comme Larry, car pendant que j'en arrive, les charognards, notre or rapide, notre art et ça m'arrive de gratter tard des lignes, parce que je me fous dans le rap et pas dans la plupart des livres. Eh hey, les petits cons, mettez de langue dans vos cartouches. Les bidons veulent le guidon, être sponsorisé par Carrefour. Même en chien sur la paille, je vendrai jamais les fesses de mon art. À la base c'est une passion, ça n'a pas de prix, espèce de comblard. Regarde bien la figure des wakas qui je mène la vie dure. J'ai besoin d'un mic, d'un beat, d'une scène pour leur péter les clavicules. Si tu veux tout savoir, je me retrouve pas trop dans tes rimes. Ça a le dos de me faire chier comme une gastro-entérite. Alors évite de parler rap parce que ça saoule, ça rend pénible. Tu veux aller plus vite que la musique, mais tu roules en vélib. L'odeur devient pestilentielle, ça sent l'arnaque et la bêtise. En fait, on se croirait presque après un résultat présidentiel. Tous ces parasites qui prolifèrent, m'agacent en parenthèse. Leur hip-hop est malade, je vais leur faire de la place en quarantaine. Bandez les sillons et cours, qu'on puisse scander nos slogans jusqu'en télé. Et qu'enfin leur radio écoute. Ça fait du bien de le dire comme Larry, car pendant que j'en arrive, les charognards, notre or avide, notre art, et ça m'arrive de gratter tard des lignes, parce que je me fous dans le rap et pas dans la plupart des livres. Ça fait du bien de le dire comme Larry, car pendant que j'en arrive, les charognards, notre or avide, notre art, et ça m'arrive de gratter tard des lignes, parce que je me fous dans le rap et pas dans la plupart des livres. Quelqu'un peut-il m'éclairer en m'autant ce léger doute? Les MC finissent-ils toujours par autant se lécher le boule? Se prennent pour des messies, ont transformé le game en terre promise. Je reste poli, mais si vous saviez à quel point j'emmerde vos 10. Trois plus costauds qu'à l'époque, ta plume a maigri en tout cas. Tu sais plus rimer, swinguer, t'as plus qu'à écrire un bouquin. Parle d'ouvrir notre art, d'en faire l'allié de la chanson variée. Du réchauffé bien étoffé, de la variée dans ton assiette. Pour trois feats sur ma vie, certains deviennent ouf, ça chie. Si j'étais un mec, je serais pas rappeur parce qu'ils sucent tous la bite. Bouge la piste, si t'allais dans l'ombre et la langue de bois. Donne la parole au talent de l'ombre qui charbonne et manque de voix. J'ai plus qu'à Paris dans la semaine qui suit, s'il vous plaît. Y aura des semelles qui s'essuient sur ces lignes sous tête. Parce que la vérité blesse, mais que leur business nous tue. C'est passionné contre actionnaire, système contre vieille coutume. Ça fait du bien de le dire comme la ricard pendant le jour la rime. Les charognards, notre en ravide, notre arrêt, ça m'arrive de gratter tard des lignes. Parce que je me trouve dans rap et pas dans la plupart des livres. Ça fait du bien de le dire comme la ricard pendant le jour la rime. Les charognards, notre en ravide, notre arrêt, ça m'arrive de gratter tard des lignes. Parce que je me trouve dans rap et pas dans la plupart des livres. Ça fait du bien de le dire comme la ricard pendant le jour la rime. En 2014, suite aux négociations relatives à la réforme de l'assurance chômage, les partenaires sociaux se sont mis d'accord pour confier au MEDEF la gestion du Pôle emploi. Première mesure du syndicat patronal, supprimer le serveur automatique afin d'offrir aux demandeurs d'emploi un service chaleureux et convivial. Nous avons pu enregistrer le travail d'un de ces managers téléphoniques de chômeurs. Il s'agit de Maurice, qui répond donc directement au 3949. Pôle emploi, allô, je te laisse te prie. Allô? Ouais, qu'est-ce que tu veux? Mais vous êtes vraiment un humain? Ouais, on a repris les choses en main. Allez, pose ta question. Un être humain qui répond au 3949? Mais le changement, c'est donc maintenant? Bon, c'est quoi ton problème? Ah oui, bon, alors vous allez sûrement pouvoir m'aider, du coup, hein, c'est ouais. Chouette. Alors en fait, vous vous êtes trompé le mois dernier, parce que là, je suis en congé maternité. Et du coup, c'est la Sécu qui prend le relais à partir du mois prochain. Mais pour le mois dernier, bah, vous m'avez pas versé mes allocations. Non, mais qu'est-ce que tu crois? Parce que t'es enceinte, tu peux pas travailler, c'est ça? Bah, c'est-à-dire que je suis en congé maternité, j'arrive à mon 8e mois, là, il faut que je reste alitée. Bah, fallait y penser avant, ma petite dame, la pilule du lendemain, ça vous dit rien? Enfin, monsieur, là, je vois pas le... Bah, faire des enfants sur le dos des entrepreneurs, c'est fini, ce genre de combine, maintenant. Non, mais vous vous prenez pour qui, là? Même le serveur vocal, il était plus compréhensif que vous, hein. C'est ça. Ouais, dégage. Apprends-le. 3949, allô, qui va là, je te prie? Oui, ben c'est plus la machine, là? Non, c'est Maurice, je suis manager. C'est quoi ta question? Non, je crois pas, c'est une machine. Mais ils font des trucs de dingue, maintenant, en intelligence artificielle. Oh, Glandy, tu m'as pris pour qui, là? Hal? C'est pas 2001, Odyssée de l'espace, ici? Ouais, d'accord, pardon. En fait, je voulais juste faire le point sur ma recherche d'emploi. Bon, tu bossais dans quoi? Dans l'automobile, j'étais chez Peugeot pendant 20 ans. Et là, je fais partie de la dernière charrette de licenciement, donc bah, je voulais voir pour une reconversion. Oh là, pas besoin de se reconvertir, ça va nous coûter du pognon. Tu veux pas continuer dans l'automobile? Bah si, ça me dirait bien, mais il n'y a plus de poste en France. Mais qui t'a parlé de la France? Tu veux bosser ou pas? Bah là, j'habite à Sochaux, donc... Mais c'est... tu veux bosser ou quoi? Bah ouais, mais... Bon, si tu veux bosser, prépare ta valise, tu pars demain à Shenzhen en Chine. Je m'occupe d'appeler PSA, ils vont te réintégrer au salaire local, ça te va? Moi j'ai mes enfants ici, je peux pas partir comme ça. Et puis, tu veux bosser ou quoi? Bah ouais, mais c'est pas... Bon bah si tu veux pas bosser, c'est pas la peine de m'appeler. Putain les mecs, je te jure. 3949, allô, qui va là, je te prie? Encore un sale chômeur? Oui, enfin une chômeuse toute fraîche. J'étais libraire chez Chapitre et le magasin vient de fermer comme... Ah bah ça tombe bien, t'es dispo ce soir? Bah je sais pas, faut que je m'organise un peu parce que j'avais prévu... De toute façon t'as pas le choix, sinon t'es radié. Je t'ai inscrite pour la nuit chez Amazon. Faut que tu sois à 20h à l'entrepôt de Chalon-sur-Saône. Tu vas faire du transpalais toute la nuit, mais ça sera des colis de bouquins. Alors, on dit merci qui? Non mais attendez, je suis libraire moi monsieur, j'ai un bac plus 6 en littérature polonaise et... On dit merci qui? Merci Pôle emploi. Et ben voilà. Bac plus 6, y'en a vraiment qui ont rien à foutre. 3949, allô, qui va là, je te prie? Oui, alors je suis intermittent et je n'ai pas reçu mon dossier de renouvellement. Non, mais tu m'as pris pour un guichet ou quoi? Ben non, non, non, mais j'ai fait mes 507 heures, j'en ai même 612. Donc là, ben, j'attends le dossier comme ça. Calme-toi, c'est... l'artiste, hein. Je transfère ouais. Ton dossier pour une présélection. Une présélection? C'est quoi ce plan là? Désormais, si tu fais 507 heures, une commission paritaire MEDEF, CGPME, UMP étudie ton cas. Et selon ton registre artistique, tu as une bonification qui te permet de solliciter le renouvellement de tes droits. Ou pas? Mais vous entendez quoi par registre artistique? En gros, c'est mieux barré pour toi si t'es plus Michel Sardou que Tchekhov. Mais vous êtes cinglé? C'est de la censure! Oh la baisse d'un ton, le saltimbanque, hein. Je vais te coller un stage goudron au Grand Lyon, ça devrait te calmer. Oh les artistes, sérieux. 3949, allô, qui va là, je te prie? Oui, oui, excusez-moi, on a été coupé tout à l'heure là, j'ai pas compris. C'est toujours à propos de mon congé maternité. T'es tenace, toi. C'est bon ça. Merci. Qu'est-ce que tu veux exactement? Et je veux juste pouvoir toucher mes allocations du mois dernier. Ouais, moi, je peux rien faire pour les thunes sans contrepartie. Hein. J'ai un intérim en puériculture, 50 heures semaine pendant 15 jours. Ça te botte? Mais non, mais moi, j'étais pas du tout... Allez, vendu, ciao. Nous sommes désolés, votre poste ne nous permet pas de dialoguer avec vous. Jusqu'à 19h. Bon, et ben cette fois on arrive vraiment à la fin de l'émission. Et ben on va vous souhaiter une bonne soirée, puis ben, on espère se retrouver vite. Et puis ben voilà. Et on voulait juste, avant de partir, faire un petit rectif. En tout cas, on a dit qu'il y avait un rassemblement à 18h contre la répression à Bure. Et a priori, il y a aussi un rassemblement à Nantes. Alors, on imagine que c'est 18h aussi. On n'a pas trouvé l'info. Mais peut-être vous pouvez chercher l'info aussi. Mais c'est peut-être à 18h ou à 19h parce qu'on nous a... Oui, c'est à 18h. Ah là là, nos auditories sont vraiment parfaits. Donc c'est à 18h devant la préfecture à Nantes, et un rassemblement contre la répression à Bure où il y a eu des perquises, des gardes à vue. Voilà. Et ben, du coup, à la prochaine émission. On ne sait pas quand encore, mais peut-être pas avant la rentrée maintenant. Et on vous rappelle, nous, notre objectif à la rentrée, c'est de reprendre aussi en FM, et du coup, c'est de reprendre sur Alternante. Et du coup, on vous rappelle que vous pouvez nous filer un petit coup de main en nous donnant du matos ou des thunes. Et ça, vous retrouverez l'appel à dons sur notre blog maglib.noblogs.org. On a changé il n'y a pas longtemps, c'est pour ça que c'est un peu dur à dire. maglib.noblogs.org et vous pouvez aussi retrouver nos podcasts sur ce site. Et ben salut. Ciao. That's the sound of the police. On a entendu un gros boom. Tout a pété. La police. C'est de la merde! L'armée. C'est de la merde! La justice. Messieurs les jurés, c'est de la merde! La religion. C'est de la merde! La patrie. C'est de la merde! Le capital.